Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille mondiale, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, le 89.1 sur le poste, une aventure qu'on peut aussi écouter à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver. Le programme de ce soir regroupe trois créateurs québécois et trois créateurs scandinaves qui explorent depuis plusieurs années le potentiel sonore des instrumentations musicales. Je vous propose donc un récent projet du collectif Klaxon Gueule intitulé « Ermitage ornemental ». C'est un ouvrage réalisé en trois phases, en relais, un hommage, disent-ils, au ballet évolutif. Et voilà, ce sera suivi d'un projet d'un duo norvégien intitulé Flutter Reader. C'est formé des artistes multidisciplinaires Espen Friberg et Jenny Berger-Mir, deux artistes majeurs de l'art contemporain et de la scène sonore d'Oslo, en Norvège. Et dans cette veine scandinave, eh bien, on débute la soirée avec des créations récentes du Suédois Åke Parmerud. C'est tiré d'un bel album intitulé Exomusique, un titre qui évoquerait, selon Parmerud, les musiques pas jouables. On débute donc avec Guitars Unchained. C'est une création dont le principe repose sur un dispositif interactif qui permet des arpèges ou encore des accords qui seraient impossibles à jouer à la guitare. Alors on écoute ça. Thank you. On vient d'entendre Exomusique, une création de Kay Parmerud, compositeur au long cours et créateur sonore d'origine suédoise. Parmerud a étudié la photographie d'abord avant de s'inscrire en musique à l'université de Göteborg en Suède et d'y poursuivre ses études au conservatoire de musique. C'est à la suite d'un premier prix au prestigieux concours international de musique électroacoustique de Bourges, on est en 1978, ça fait un bail, que sa carrière débute véritablement et que ses œuvres vont circuler sur la scène internationale. La démarche de Parmerud repose sur un mélange d'influences stylistiques provenant tout autant des musiques classiques, dit-on, qu'électroacoustiques, ses œuvres incluant des matériaux sonores de toute nature. Parmerud s'est particulièrement intéressé ces dernières années au potentiel des instruments traditionnels par le biais de dispositifs interactifs transformant, par exemple, une pièce de piano dite « normale » en quelque chose qui serait impossible pour un musicien de jouer sur le clavier. Kay Parmerud est connu mondialement dans les domaines de la musique contemporaine et des arts médiatiques. Son œuvre inclut de la musique instrumentale et acousmatique et des créations sonores qu'il a réalisées pour la danse, le théâtre et les multimédias. Il a fait notamment la conception sonore, ça c'est intéressant, et logiciel pour le chorégraphe québécois Pierre-Paul Savoie et créé des spectacles interactifs de danse et de vidéo avec la chorégraphe canadienne Mireille Leblanc. Au fil de ses activités artistiques, il s'est engagé dans plusieurs collaborations internationales pour développer des concepts télématiques et interactifs pour la scène. Un parcours, ma foi, plutôt intéressant. Alors, on écoute cette fois une création intitulée « Clouds, nuages », s'est créée en 2025. Les nuages poussés par le vent dans le ciel, dit-il, suscitent des images et des associations d'idées. Bon, je pense qu'on retrouve le photographe. Et je poursuis. Les flux d'air entraînent également des musiques flûtées qui se transforment au gré du vent. À bien y penser, raconte Parmeroud, la nature des sons et des nuages n'est peut-être pas si différente après tout. Je referme les guillemets. On écoute Clouds d'Oké Parmeroud. Thank you. Alors, on vient d'entendre cette pièce intitulée « Clouds » d'Åke Parmerud. On passe cette fois de la Suède à la Norvège avec ce duo d'artistes qui a pour nom « Flutter Rider », un duo composé des artistes Espen Friberg et Jenny Berger-Myhr, deux artistes de la scène artistique contemporaine norvégienne. On raconte que leur collaboration a débuté lors de la production d'un premier album et qu'ils se sont reconnus des affinités autour d'une approche qu'on pourrait dire ludique et volontairement naïve de la création artistique. En novembre 2023, ils se sont installés dans la ville côtière de Visten pour inventer Flutter Rider, ce duo, alors s'inspirant du synthé modulaire, de l'orgue à tuyaux et de la réverbération acoustique de l'église du village. Ils ont commencé à enregistrer et à sculpter une musique inspirée, dit-on, par l'idée que l'air et l'électricité partageaient un flux commun, un courant continu pouvant être dirigé par des lampes et des potentiomètres. Bon, à la fois liturgique et fantaisiste, vous verrez à l'écoute, c'est pas mal ça. Flutter Rider nous propose ce soir une série de paysages allégoriques et un tantinet, je dirais, cinématographique. Alors, pour voir ce que ça donne, on écoute une création intitulé, et là je traduis librement, « Pendant que les bois s'entremêlent, le ciel surgit ». Thank you. Comme je l'ai mentionné précédemment, Flutter Reader est formé des artistes multidisciplinaires Espen Friberg et Jenny Bergemyr. Bon, Espen Friberg est un artiste norvégien, designer graphique, illustrateur, créateur de bandes dessinées, musicien et surtout une figure centrale de la musique expérimentale et électronique norvégienne. Il a reçu de nombreux prix, des bourses pour son travail de création. Jenny Bergemyr est une artiste qui travaille, quant à elle, avec le son, la vidéo et la photographie. On raconte que son travail explore les sphères de l'intime à partir d'archives personnelles et de souvenirs. Ses paysages sonores sont créés à partir d'enregistrements sur le terrain, de fragments mélodiques, de séquences générées par ordinateur, par des synthétiseurs modulaires et de l'électronique lo-fi. C'est un peu dans ce contexte de création qu'elle partage avec Espen Friberg son plaisir de créer pour former ce duo intitulé Flutter Reader. Et bien voilà ce qui complète la première demi, toute scandinave avec les artistes Åke Parmerud et le duo Flutter Reader. Restez des nôtres, on poursuit notre petite excursion sonore en paysage nordique de ce côté-ci de la planète avec le collectif québécois Claque son gueule et son projet, sa trilogie intitulée Ermitage ornemental. Alors on poursuit l'écoute de Flutter Reader jusqu'à la pause. À tout de suite. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Alors, on est de retour. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone. On se retrouve ce soir au cœur d'Exploration sonore qui cherche à déployer le potentiel des instrumentations musicales et des contraintes qui sont inhérentes à la création collective. Par exemple, se plier à une forme de jeu, dialoguer avec le hasard, ne pas trop faire sérieux, mais aboutir tout de même à quelque chose de significatif, susciter de l'entendement aussi bien que le plaisir le plus naturel de jouer ensemble. Ce sont les réflexions que m'inspire le dernier ou parmi les derniers travaux du collectif Klaxon Gueule, un collectif formé des artistes sonores et musiciens Michel F. Côté, Bernard Falaise et Alexandre Saint-Onge, au nombre desquels j'ajoute l'artiste visuel Fabrizio Gilardino qui conçoit le visuel graphique de l'ensemble. Bon, cet album dont je vous fais entendre des extraits ce soir fait partie d'une trilogie qui s'intitule Ermitage ornemental. Il s'agit, selon Klaxon Gueule, d'un ouvrage en relais, d'un hommage au ballet, un discours évolutif, une planque de fugitif qui s'amuse avec l'alphabet des possibles. Je referme les guillemets, franchement un beau programme dans l'esprit qui les anime, ce Klaxon Gueule depuis plusieurs années maintenant, et je débute l'écoute avec des extraits des volumes 1 et 2 de cet ermitage ornemental, respectivement intitulé « Fin de raison », « Dérangement cérébral neutre » pour le premier segment et « Mutique » pour le second, « Mutique » signifiant l'incapacité, cette incapacité physique de parler. Alors on écoute ça. Thank you. C'est toujours un plaisir de relire l'acte de naissance de Klaxon-Gueule, un ensemble d'expérimentateurs nés d'un don d'organes, dit-on, un mardi de l'année 1995. C'est dire combien un repas de macaroni va unir pour longtemps Michel F. Côté, Bernard Falaise et Alexandre Saint-Onge, que je salue en passant. L'objectif fut limpide. Pour les 25 années à venir, au moins le trio s'est donné pour mission de persister, histoire de faire de la création musicale et sonore une activité nutritive, intuitive et ludique. Sur ce, je vous fais entendre un extrait du volet 3 de la trilogie Ermitage ornemental, un volet intitulé « Variations mutagènes », une création élaborée, raconte Klaxon-Gueule, à six mains, selon une lente distillation à même une récolte sonore offrant 26 variations de la même durée. Alors, tout un programme. Alors, on écoute un extrait de cette variation, de ces variations mutagère tiré de l'album Ermitage ornemental. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie du Suédois Åke Parmerud, des Norvégiens, Norvégiennes Espen Friberg et Jenny Bergemyr, et du collectif Claque son gueule, regroupant Michel F. Côté, Bernard Falaise et Alexandre Saint-Onge. Grand merci à toutes et tous de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que l'on retrouve sur la plupart des plateformes numériques. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente, et vous trouverez ça facilement sur la toile. Restez des nôtres, c'est Matthew Johnson qui s'amène avec son Rock Medium dès 22h. Et on termine la soirée avec Claque son gueule, un extrait du volet 1 de la trilogie Ermitage ornemental. Fin de raison. Cela dit, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou, à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.